Chers amis, nous allons pouvoir vous présenter notre nouvelle formation, l'orchestre Impala de Kigali. Et aussi longtemps qu'on va vous la présenter, vous en serez très ravis. À la guitare accompagnement, vous avez Kari Wanjenge. Kari Wanjenge, première fois. À la guitare solo, vous avez Mimi La Rose. Mimi La Rose. À la guitare basse, vous avez Pépé La Rose. Pépé La Rose. À la trompette, vous avez Fidel Jaka. Fidel, un, deux, un. Au piano, vous avez C'est moi, c'est. Au micro, troisième voix, vous avez le maître Rubangui. Je crois qu'il a un peu à vous dire. Diego, toujours en compagnie de l'orchestre Impala de Kigali. Diego. Au micro, deuxième fois, vous avez votre serviteur de toujours, Soso Mado Anchenge. Venez de savourer la présentation qui est l'indicatif de l'orchestre Impala de Kigali. Yoga Chari Ji.

Impala harimo buki buratem iso ninde Giraso di gatte, giraso gattebe, giraso simbo, giraso bakwe, giraso bageni, giraso ndaro, ahaha. Thank you. Muchos C'était